numbers, and most importantly, how he's changed the outlook of the franchise. The combination of talent, skill, and toughness. I have the same mentality every time I step on the court. I'm always like, what can I do to make myself better? How can I do better? Parce qu'il ne faut jamais perdre espoir. Amis d'Enix, bonjour et bonsoir. Écoutez, c'est avec un énorme plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau podcast, l'épisode numéro 22 de The Knicks Episode. Et ce soir, nous avons de nombreux invités. Bien évidemment, Johanny. Salut Johanny. Bonjour, bonjour. Nous avons également Alex du média HBA. Salut Alex. Et bonjour, bonsoir. Nous avons Willy avec nous aussi, qui est déjà venu à plusieurs reprises sur notre podcast. Salut Willy. Salut les gars. Et un nouveau dans la famille du podcast, Pierre-Alex. Salut Pierre-Alex. Ouais, salut à tous. Bah écoutez, là les gars, il y a matière quand même. Là, on a un super 5 au micro pour ce nouveau podcast. Évidemment, on va aborder pas mal de sujets. Le premier sujet va être l'intersaison, bien évidemment, comme vous l'avez vécu, aussi bien au niveau des transferts que des petits mouvements ou ajustements de cet été. On va éventuellement évoquer vos attentes hein, pour cette saison, parce que c'est là-dessus, je pense qu'on est archi attendu. Et bien évidemment, tout ça va nous amener sur l'actu KNF, l'actu associatif. On a pas mal aussi de rendez-vous à vous communiquer. Avant toute chose, je voudrais déjà donner la parole à Pierre-Alex. Pierre-Alex, salut. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter auprès de nos auditeurs, ton parcours amené justement chez Knicks Nation France? Ok, donc Pierre-Alexandre, donc j'ai 36 ans. Je suis les New York Knicks depuis environ une dizaine d'années, à peu près depuis l'époque de Melo, on va dire. Par rapport à Knicks Nation France, depuis le tout début de l'association, c'est vrai que je suis énormément, parce que c'était quand même la première association qui s'est créée d'un compte fan NBA en France, donc c'était quand même quelque chose, un événement. Et j'ai toujours suivi, j'ai continué de suivre le compte, et voilà, j'étais intéressé par les voyages associatifs aussi. J'ai malheureusement jamais pu y participer par rapport aux dates, mais je suis allé à New York par mes propres moyens, on va dire. mais voilà, beaucoup d'actualités, et un compte, on va dire, en tout cas très sérieux en ce qui concerne l'actu des Knicks, donc j'ai jamais lâché depuis toutes ces années. Je ne sais plus depuis combien de temps. Mais... Et donc un fan de Melo. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu m'as voulu. Voilà, tu mets les pieds dans le plat direct. Ah. Non, c'est vrai que ouais, j'ai beaucoup aimé Melo à une époque. Après, bon, la fin, c'est vrai que ça a été un peu pour tout le monde très difficile, très dur. Mais en effet, au début, c'est plus ce qui m'a attiré pour New York, c'est, on va dire, c'est un mélange de tout. Melo en fait partie, l'histoire des Knicks en fait partie, le maillot, la ville, le Madison, voilà, c'est un peu un mélange de tout ça qui font que, honnêtement, je voyais, c'est tout de suite la franchise qui m'est sautée aux yeux tout de suite quand j'ai commencé à suivre la NBA. Donc, quand on parle de Melo, il y a le poil de barbe de Alex qui s'hérisse. Ah, ça frétille. T'as entendu avec le micro là ? Ouais, ça frottait un peu. Ouais. On a compris que c'était tout de suite épidermique et voilà. Bon, je vais être plus discret alors. Sacré Melo. Peut-être que cette saison, son maillot sera retiré au plafond du Garden ou pas. Oh là là. On verra. Grosse question. On va pas balancer les sujets litigieux d'entrée de jeu. On se garde ça pour plus tard. Non, mais après, par contre, on peut déjà d'ores et déjà parler de l'intersaison, les gars. Donc, messieurs, vous, comment vous l'avez vécu cette intersaison ? Donc, on peut le dire, hein, il n'y a pas eu révolution. Il y a eu, on peut parler éventuellement d'ajustement. Je ne sais pas si Joe ou Alex pouvaient faire un petit peu le point là, rapidement sur le peu de mouvement qu'on a eu. Alex, tu veux y aller ? Tu veux nous résumer cette intersaison ? Parce que toi, tu suis la NBA avec un N au sens large, finalement, c'était assez calme côté new-yorkais cet été, quoi. Comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Ah, on attend ou on espère des moves. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de moves? Ça, c'est une autre question. Mais on attend, on espère. Et puis finalement, c'était tranquille, quoi. Bah, j'ai même pas suivi pour te dire, tellement que je sais que c'est tranquille. Non, mais voilà, donc il y a Obi Toppin au rayon des départs. C'est ça. Qui part contre un paquet de chips et un hot dog dans l'Indiana, au Indiana Pacers. Donc voilà, on a récupéré le frangin, mais c'est plus un contrat pour le training camp et éventuellement finir en G-League. Donc bon, un Toppin en chasse un autre, mais c'est pas forcément l'utilisation qu'on va en avoir qui devrait faire qu'il va faire long feu chez les Knickerbockers, le frangin Jacob. Et puis par contre, oui, au niveau de l'arrivée, c'est Dante DiVincenzo qui sort d'une belle saison aux Golden State Warriors, même si les Warriors n'ont pas été aussi loin et n'ont pas pu conserver leur titre. Il a montré de belles choses là-bas. C'est un joueur de devoir, un joueur formé à l'école Villanova. Donc qui dit Villanova dit ça y est, il est copain avec JB, avec Josh Hart et le retour de Ryan Archidiacono. Tu sors par la porte, tu reviens par la fenêtre. Pour les photos, il est là, voilà, il fait la bande de 4. Bon, on aurait préféré peut-être un autre mec de Villanova, mais c'est lui qu'on a récupéré pour le moment. Donc ouais, relativement calme, malgré, comme toujours, les X-1000 montages Photoshop, ou maintenant avec l'intelligence artificielle, on voit de nouvelles choses. Des rumeurs, mais peut-être un été plus calme que l'été d'avant, parce que l'été d'avant, il y avait Donovan Mitchell pour au final finir à Cleveland. Bah là, cette année, cet été, bon... Voilà, on s'est pas emballé. On a fait confiance. On a prolongé qui? Josh Hart. Correct. Mais autrement, relativement. On a parlé de Lady Rose aussi. On peut en parler. Oui, c'est vrai. Je l'ai oublié lui. Eh oui. Oui, Dee Rose qui est reparti à Memphis, là où il avait fait son année à la fac. Donc voilà, c'est une sorte de, peut-être de façon de boucler la boucle. Est-ce que c'est la dernière danse pour Dee Rose? À voir. Les quelques matchs de pré-saison, il avait l'air d'être en jambes. Mais bon, on sait que Dee Rose, le plus dur, c'est de la longévité sur une saison, la façon de pouvoir avoir l'endurance sur toute une saison. Il y a souvent les genoux qui grincent et il est mis au repos pendant la saison. Donc effectivement, il est parti aussi un peu par la petite porte. Là où on attendait éventuellement un dénouement sur un dossier d'un vétéran qui était un peu mis au placard, c'était Evan Fournier. Je sais pas si vous voulez qu'on en parle tout de suite. C'est un nom qui revient très régulièrement dans les médias basket. On va en reparler parce que moi je voulais quand même avoir un peu l'avis de Willy. Là, je pense qu'on a fait à peu près le tour des différents mouvements parce que là, de tête, je ne vois plus d'autres perspectives. On n'a pas parlé de Joel Embiid, mais bon, il a choisi l'équipe américaine. Oh là là, Joel Embiid. Oh là là. Willy, toi, comment tu l'as vécu justement, le fait qu'il n'y ait pas de... Tu as bien vécu le fait qu'il y ait encore cette stabilité, qu'on puisse encore surfer sur ce qu'a réalisé Thibodeau sur les dernières saisons. Comment tu as vécu, toi, tout ça? Est-ce que tu attendais quelque chose? C'est quoi ton premier sentiment? Premier sentiment, comme pour vous tous, ça a été très calme. Je pense qu'on s'y attendait et qu'on s'y attend encore longtemps. On a capté que Léon Rose, il va pas balancer tout sur un trade. En tout cas, pour l'instant, il l'a pas fait sur à peu près... ça va faire bientôt 4 ans, je pense. Il n'y a pas eu de risque. Ça va tellement vite. Non, il n'en prend pas. Il veut pas lâcher les tours de draft. Il veut pas lâcher des joueurs à valeur type Barrett ou dans des transferts. Après, sur la dernière année, ça lui donne raison. Pour l'instant, c'est difficile pour lui de tout bouger sur un été où ça a plutôt bien marché. Ouais. En tout cas, au-delà de nos attentes, j'imagine. Pour tout le monde, parce que si on nous disait qu'on ferait cinquième, qu'on passerait, qu'on donnerait le plus de fil à retordre aux Heat, qui sont plutôt bien sortis de la conférence Est assez facilement, on va dire. Non, moi, ça me choque pas. Après, je suis comme vous tous, j'aurais aimé, mais bon, faut voir aussi ce qu'il faut envoyer. Et comme la sensation est toujours pareille, que quand c'est les Knicks, en plus, ils sont très gourmands en face, comme s'ils avaient été habitués aux mauvaises années où on balançait à tour de bras des tours de draft, joueurs à valeur, déjà. Non, mais tu sens qu'il y a quand même une cohérence quand même depuis 3 saisons. Complètement, complètement. Si on revient juste sur la seule signature de l'été, c'est Divi. Et quand on pense à comment on joue la Ligue maintenant avec des joueurs un peu plus petits, c'est un mec qui est quand même assez polyvalent sur les postes d'ailier. On en a un paquet, donc après, c'est vrai qu'il y a Fournier, il y a l'interrogation, c'est pas un mauvais joueur, mais on sait qu'il sera pas utilisé. Donc, comment on va réussir à le placer pour essayer d'avoir une contrepartie, ça va être l'interrogation. Mais ouais. Pour le reste, je m'attends pas à ce que ça bouge. Et toi, du coup, Pierre-Alex, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Comment t'as vécu? Est-ce que tu... J'imagine que t'attendais pas grand-chose, non? Je sais pas. Quel est ton ressenti, du coup? Non, c'est vrai que moi, personnellement, quand les playoffs sont terminés, et puis que bon, après, il y a eu les finales, etc., j'attendais pas grand-chose, on va dire, au niveau de l'été. Néanmoins, on va dire, je suis quand même vraiment bien content de la signature de DiVincenzo, parce que franchement, moi, je trouve qu'il va bien se faire au collectif. C'est quelqu'un qui défend bien. C'est un joueur qui est pas trop maladroit à 3, qui peut vraiment nous apporter quelque chose, un joueur de collectif. Donc ça, j'aime bien. J'aime beaucoup ce genre de joueur. Alors, c'est pas la signature de l'année, hein, c'est clair. Mais... Pas de curiosité, hein, je te rejoins vraiment là-dessus, Pierre-Alex. Ouais, moi je suis vraiment satisfait de ça. Satisfait également de la continuité parce que comme l'a dit Willy, on a fait une super saison, donc on va dire il y a rien à dire là-dessus. La continuité c'est important et on en a bien manqué, on va dire, ces dernières années au Knicks. Juste quand même, moi j'avais le petit point, on va dire, du trade d'Obi Toppin que j'ai vraiment pas compris en poste 4, qui nous a complètement dépoilé sur le poste 4 et surtout pour deux second tours de draft. Quand il y a eu le trade de Toppin, je m'attendais à quelque chose. Je m'attendais à ce qu'il ait besoin de second tour de draft pour les inclure dans un autre package, un truc, voilà. Je m'attendais du coup. Ouais, du coup, ce trade-là m'a fait penser qu'il allait se passer quelque chose en deux temps, en effet. Mais en fait, rien. Voilà, on est à quelques jours de la reprise et il s'est rien passé en tout cas avec ses second tours de draft. Il avait peut-être envisagé quelque chose qu'il ne s'est pas fait, hein, j'en sais rien. Mais Il y a aussi un truc tout bête, c'est que pour faire signer Divi, ils avaient besoin d'avoir un peu d'espace. Du coup, ils ont bougé Toppin qui, en étant 8e choix de draft, devait être déjà dans les quasiment 6-7 millions, je pense. Donc ils ont fait ça pour ça, pour le signer un peu plus facilement. Parce qu'ils ont filé quand même 40 millions sur 4 ans à peu près, un peu plus même, ça doit être sur... On est pas loin des 50, ouais. On est pas loin des 50. 12-5 la saison, je crois, de mémoire, un truc comme ça. Ouais, c'était peut-être pour rester, c'était pour pas payer la luxury, peut-être. Bon, après, ok, mais... Bon, après, si on veut avoir une équipe compétitive, la luxury, faut payer à un moment donné, c'est pas ça. Je suis d'accord avec toi, mais je te rejoins, mais quand on dit luxury, c'est que, juste pour être bien dans le détail, sur Toppin, il est en fin de contrat rookie, c'est que tu vas casquer pour le garder comme on s'apprête à casquer pour garder Kukley. Ouais. Et au bout d'un moment, ça peut vraiment monter très haut, faut faire des choix entre Toppin. Je suis d'accord, Kukley. Et Grim. Et pour l'instant, pour moi, d'autant plus qu'il y a eu des choix forts hein, déjà en prolongeant Mitchell auparavant. La question va se poser pour IQ hein, qui est sur sa dernière année contre Aruki. Ouais, mais on aurait pu le garder un an encore, tu vois. On aurait pu encore avoir un an. On pouvait se donner encore un peu de marge. Là où je te rejoins, par contre, Pierre-Alex, tu vois, on a en PF, on va avoir que Randle et derrière c'est le désert. Des pivots ou des ailes. Bah derrière c'est du bricolage. C'est du bricolage. Voilà, on est d'accord. Je suis pas d'accord parce que Azayarobi, pour moi, Azayarobi qu'on a recruté, pour moi, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Moi, j'aime bien Roby, je te partage, Alex, mais je pense qu'il sera souvent 12e, 13e homme. 12e homme avec Thibodeau, ça joue jamais. Est-ce qu'un Barrett en poste 4, ce serait pas intéressant à explorer, par exemple? On reste sur du bricolage, tu vois, Alex. Hein. Tu vois, je te dis sincèrement, c'est pas quelque chose qu'on peut s'exclure, mais avec le nombre de 5 que tu as dans ton effectif, il y aura forcément du bricolage à ce niveau-là. Ça va jouer avec Hartenstein, ça va jouer avec du Sim, ça va jouer avec pas mal de choses dans la rotation pour pouvoir combler le manque que va susciter Randle. Hein. Barrett peut potentiellement rentrer dans la discussion de manière ponctuelle. Pour moi, c'est du bricolage, très clairement. Ah, mais est-ce que ce serait pas ça la force, l'imprévisibilité, par exemple? Ouais, c'est sûr, quand t'imposes toi ton jeu de petit aux autres qui seraient un peu plus grands. Ouais. Bah, on l'a vu un petit peu là en pré-saison. C'est la situation qui impose la chose, qui est de jouer petit parce que finalement, t'as pas grand monde à mettre au poste 4. Donc, on parlait d'Isaiah Roby. Bon, il est mignon avec sa tête de gamin, de poupon. Il a quand même déjà 25 ans, le garçon. Hein. Il a quelques saisons dans les pattes. On l'a aperçu à Vegas lors de la Summer League. Alors, on n'a pas parlé de la Summer League au niveau de l'été. Pourquoi? Parce que c'était pas fameux. Il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. On n'avait pas drafté de rookie. Et puis, Isaiah Roby, limite, c'était peut-être celui qui allait être un peu sous la loupe, sous les feux des projecteurs pour voir ce que ça pouvait éventuellement donner comme solution de rechange. C'est solide, hein, messieurs. Hein. Mais Roby, Alex, t'as raison. Roby, c'est quand même pas mal hein, quand on voit ce qu'il a fait au Thunder. Il n'est pas nul. Hein. C'est un bon joueur. Ouais, au Thunder. J'ai les stats sous les yeux. C'est le point stat, messieurs. En 20 minutes de moyenne, enfin 18-9 pour être extrêmement précis, on est à du 7-7 et du 4-4. Donc 7 points et 4 rebonds en 20 minutes. C'est pas dégueu, quoi. C'est pas dégueu, mais ma problématique, je reviens sur Tib, c'est que pour moi, il a Brunson, Quickley, Grims, je ne mets pas Fournier évidemment, Barrett, Hart, Divi, Randle, Robinson, Hartenstein, voire Sim qui passeront avant lui. Ça, c'est ma lecture. Je peux me tromper, mais je pense qu'il est vraiment assez loin pour l'instant. Hein. dans la hiérarchie. Moi, je pense aussi. Honnêtement, je pense aussi, et hormis, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, qui me fait encore plus peur, parce que bon, du bricolage, effectivement, avec Roby, ou avec du Hartenstein qui peut glisser en 4, ouais. Voire du Josh Hart, si vraiment on veut jouer petit. Pourquoi pas? Ça, c'est clair que ça se fait sur des temps courts, des choses où voilà, on en a besoin. Mais imaginons que Randle se blesse ou que Randle prenne une suspension en début de match parce qu'il pète un câble sur les arbitres, hein, ce qui n'est pas exclu. Là, on se retrouve complètement à poil parce que 48 minutes poste 4, là, c'est un vrai complexe. Poste 4, c'est plus complexe. Bah, on a vu en pré-saison au début des essais avec Sims au poste 4. Ouais. Franchement, moi je suis pas convaincu par Sims au poste 4. Je préfère le voir au poste 5 avec un Hartenstein qui a plus un sens de la passe qui éventuellement peut shooter un peu au large. Ouais, voilà. Hartenstein, j'y crois plus. Ouais, j'y crois plus. Hartenstein, j'y crois plus aussi. Sims, ouais. Ça fait flipper au poste 4. Ouais, clairement. Ouais. Ah ouais, complètement. Ouais, après, messieurs, on verra. Hein, j'ai envie de vous dire, on a déjà trois pivots qui peuvent potentiellement. Bon, Robinson me gêne, hein, bien évidemment. Mais on a trois pivots qui peuvent jouer un temps de jeu assez conséquent. Ouais. Après, il y en a un qui glisse. Et puis voilà. Après, Randle, ouais, c'est un fifou. Bon, bah, on le connaît. Hein. On sait que quand il joue, par contre, c'est 35 minutes. Donc derrière, ouais, un bon temps de jeu aussi. Ouais. Donc tu vois, faut pas trop qu'il y ait un concurrent non plus à Randle. Déjà, quelqu'un, son cerveau, il est branché une fois sur 10. Non, bien sûr, Alex, t'as raison. Avec Pierre Alex, on est juste sur le fait qu'ils ont lâché Topin sans qu'on ait vraiment un. Parce que Topin était vraiment le remplaçant de Randle. Moi, c'est là où je change moi, c'est que je vois le départ d'Obi Topin, je vois pas de compensation arriver. J'avais vraiment dans l'esprit qu'il allait avoir potentiellement un move derrière, en fait. Et ce move, là, ou un move, ou alors, et puis même un signature d'un poste 4 à un vétéran, un truc voilà, qui fait pas de concurrence à Randle, mais qui vient boucher les trous. Quoi. Bah, je pense que Roby, ça peut être une belle surprise. Après, on verra, hein, c'est Thibodeau qui gère le dos. Et souvenez-vous qu'à un moment donné, Evan Fournier avait du temps de jeu, la saison d'après, il en avait plus. Donc voilà. La situation d'Evan, c'est encore autre chose parce qu'il y a quand même de la concurrence sur son poste. Là, c'est plutôt une absence de concurrence. Et en même temps, le départ d'Obi Toppin, c'est parce qu'il était barré par Randle. Donc c'est un juste milieu à trouver et c'est sûrement le point d'ajustement qu'il devrait y avoir dans le courant de la saison, d'ici la trade deadline, ouais. De renforcer le poste 4 avec un vétéran qui connaît le métier, qui a déjà un peu d'années d'expérience et qui peut espérer 12 à 15 minutes par soir. Voilà. Donc c'est pas un starter dont on a besoin, c'est plus une bonne route secours pour remplacer Randle. Après, quel profil de joueur? Un poste 4, oui, mais est-ce que c'est un poste 4 au large? Est-ce que c'est un poste 4 un peu plus à l'ancienne? Clairement, ça manque de vêtements. Moi, si tu me poses la question, pour moi, ça manque de vêtements dans cette équipe. On doit avoir la moyenne d'âge la plus faible de tous les rosters NBA. Peut-être pas non plus, parce qu'il y a des équipes qui ont un projet vraiment... On parle, mais... Alors attendez, vous savez quel est le joueur le plus ancien de notre effectif? Vous savez quel est le joueur? Randle, non? Eh bien, tenez-vous bien, c'est Evan Fournier avec 11 années d'activité. Ah oui, et oui, voilà. Evan. Et oui. Donc c'est pour ça que je disais que pour moi, ça manque de vêtements là-dedans. Tu vois, qu'il puisse quand même canaliser un peu le vestiaire quand le bateau tangue, bah, qu'il puisse un peu remettre les têtes à l'endroit, qu'il y ait une voix qui compte, qui porte, qui puisse soulager. On a bien vu les limites hein, de Randle en termes de leadership. Même si Johnson qui est arrivé, qui a pris les clés du camion, le fait d'avoir un relais quand même en plus de ces deux mecs-là dans le vestiaire, c'est ça, moi, je pense qu'il manque. Moi, je suis pas trop inquiet parce que, justement, tu as Brunson qui a apporté ce leadership. Donc, en termes de maîtrise du jeu, du terrain, tout ça. Ok, Randle, on a vu les limites, les défauts qu'il pouvait avoir, le côté pas fédérateur par moment et trop régulièrement. Mais on a un Brunson qui est là, on a un Josh Hart aussi qui joue ce jeu-là. Et on a un Thibodeau qui est le coach qui est en mode général, qui tient ses équipes. Donc, c'est peut-être pas trop cette histoire de leader de vestiaire, mais c'est effectivement un joueur d'expérience. Qui vient en relais d'un Randle qui a besoin aussi d'être cadré parfois sur son poste. Donc c'est plus ça. Après, oui, Thibodeau va bricoler par la force des choses, parce que certaines oppositions, ça passe, voilà, de jouer small ball, ça peut se faire. On l'a vu en pré-saison, là, sur les quelques matchs qui se sont déroulés déjà. Il y avait l'opposition face à Minnesota, où là, on a quand même une belle paire d'intérieur. Bon, bah, ça a à peu près tenu le choc. Bon, c'est de la pré-saison, ça vaut ce que ça vaut comme échantillon. Mais on n'aura pas non plus toujours des raquettes à jouer avec deux intérieurs forts. C'est plus tellement ça la NBA en 2023-2024. Donc voilà, à voir jusqu'où ça nous mène. Par contre, d'ici la deadline, s'il y a des ajustements, ça serait bien d'aller chercher un poste 3-4 voilà, qu'Aspire n'a pas trop non plus de temps de jeu et qui peut venir en relais pour remplacer. S'il n'était pas trop foufou, quand j'ai vu Kai Jones qui du coup se fait dégager de Charlotte, je me dis bah, un mec à gratuit qui ne coûtera rien, il sera au minimum. On l'avait drafté lui. On l'avait drafté, mais. Ah bah après là c'est une question d'image aussi après tout ça. Le c'est, fou, le fou. On va éviter de rajouter des mecs qui sont des générateurs de drama quoi. On a retrouvé une certaine sérénité. Vous savez qui je rajouterais à cet effectif justement? Ben Simmons, oh, déconne pas. En poste 4-5. Alors vas-y. Figurez-vous que Villanova à l'époque donc de Josh Hart, Jalen Brunson et notre ami Dante DiVincenzo. C'est pas Pasquale avions... Exactement. Ouais. Exactement, monsieur. Ah ouais, il est à Villanova. 4-5. Ouais. Ça va se voir après si on a que des joueurs de Villanova. Ça va. Bah écoute, c'est un moment qu'on ne pense plus masqué sur les questions. Hein. Ça se voit déjà, Joanny, ça se voit déjà. Mais après, on va dire bon, bah, il nous manque qui ? Il nous manque le coach, quoi. Il nous manque le coach en Vertimodo. Ce que je kiffe, c'est d'un délire où on a Rundle en leader qui est complètement claqué. Tu parlais de leadership, mais chip pauvre. On a chopé Brunson qui a révolutionné un peu notre jeu, hein, on va se le dire clairement. Peut-être clairement. Trop, au point de devenir une victime en playoff et du coup on l'a payé cher. Il a pris le pouvoir politique, clairement. Et ça a relégué tout ça. Et alors ça donne un courant d'air frais à nos Knicks, mais quelle est la limite et on verra pendant cette saison. Mais l'idée de Pascal, moi, de Pascal Le Confrère. moi ça me fait c'est une bonne idée. Il peut se faire gratter hein. Je crois qu'il était aux Warriors dernièrement mais j'ai plus suivi après il a eu Utah je crois là il me semble. Attends, il était passé ailleurs après les Warriors. Exactement, je crois qu'il avait été transféré. Attends, je vais demander. Moi, il a pas joué la saison dernière mais non, il a pas joué la saison dernière. Il a pas joué l'année dernière. Non. Ouais. Donc voilà, tu vas ressortir un mec qui a pas joué, je sais pas si c'est au rayon du vétéran, il a que 3 saisons NBA dans les pattes. C'est pas non plus une garantie voilà, ça peut être un pari mais c'est un pari un peu à la Isaiah Roby sur un joueur qui a eu un peu voilà quelques flashs mais voilà, Pasquale, c'est 60 matchs sur sa saison rookie au Warriors, c'était pas la meilleure des saisons. Derrière, il fait 40 matchs. Après, il en fait 58. Donc, tu vois, pour un joueur jeune, est-ce qu'il y a de la blessure ? Est-ce qu'il y a des problèmes de coaching ? Tu sais pas trop, mais bon. Ouais, mais t'as un profil défenseur qui crotte des minutes et qui est là pour être là. Parce qu'il est de Villanova qu'il faut se jeter dessus. Hein. Non, mais bon, c'est dans la suite logique de recruter DiVincenzo. Bien sûr. En tout cas, ça fait un profil qui remplirait le poste PF derrière. Oui. Ouais, ouais. Potentiellement, quoi, pour faire du nom. Bon, on verra. Thibodeau a tendance à nous. Léon Rose a tendance à nous faire des petits ajustements juste avant la deadline. L'année dernière, c'était Josh Hart. C'était une bonne pioche, hein. On va pas dire. Une dinguerie. Et on avait des dossiers à traiter qui était le dossier Cam Reddish. Donc, on l'a traité contre un Josh Hart. Franchement, la plus-value, elle était intéressante. Donc là, on sait qu'on a encore un dossier à traiter. Il s'appelle Evan Fournier. Si la plus-value est aussi intéressante que Josh Hart, avec le lobby Gobert. Alors après, je vais me faire l'avocat du diable, je vais poser la question à la con. Forcément, est-ce que c'est pas justement ce petit taulier? Alors, il joue pas au poste désiré, bien évidemment, mais est-ce que il pourrait pas endosser ce fameux rôle de taulier dont on a besoin dans cette équipe-là? Bah, sa première année, il l'avait quelque part. Ouais. Franchement, direct, quand il est arrivé, c'est un peu ce qu'il endossait avec Randle. Mais compliqué dans la situation où il est pour imaginer que ça soit lui le patron. Non. Pas possible. Par contre, il peut apporter comme il le fait. Hein, d'ailleurs, il s'est déjà pris un check-vent par Randle avant-hier. Mais Jericho Sims, il l'a sauvé. Evan, c'est un bon gars, c'est un bon pro, je pense. C'est aucun problème là-dedans. Non, son comportement, il n'y a rien à dire. Par contre. Ça, je suis d'accord. Non, il n'y a rien à dire. Mais je pense que quand tu vois les Grimes. Barrett, Hart et DiVincenzo sur les postes d'ailier et arrière, il ne jouera pas, sûr. D'accord. Et justement, le fait qu'il ait chopé, quand je parlais tout à l'heure de lobbying pour remettre un peu sa position, on va dire, au goût du jour, on parle de sa position au sein de l'effectif. Hein, Non, il a demandé son trade. Il a demandé à être à partir de New York. Donc, est-ce que les minutes engrangées sur les matchs de pré-saison sont pas une petite vitrine pour potentiellement trouver preneur derrière, tu vois ? Moi, c'est une des questions que je me pose. Totalement. Oui, ça, c'est pas tout du tout, par contre. Pour moi, c'est une monnaie d'échange. Là, il est à son 80e City Pass. À un moment donné, il faut arrêter. Et même pour la France, même pour lui-même, jouer, il doit jouer parce qu'il a quand même un potentiel. Il faut du rythme. Pour les JO, les trucs et tout, il faut du rythme. Exactement, on pense à la même chose. Et moi, je le vois pas clairement au Knicks. Et quand t'as Thibodeau qui sort, il fait mais écoutez, l'équipe, elle a des résultats sans lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Surtout qu'il est précis. Hein. Il parle de stats et les stats, elles font mal. Tu peux rien dire. Voilà, c'est Evan Fournier, c'est bien, c'est mignon. C'est record 3 points. Mais écoute, ça convient pas au Knicks. Et puis Thibodeau, il l'a dans le collimateur. Il y a des trucs qu'on sait pas. Je pense qu'il y a un délire d'ego avec Randle ou pas quoi là. Bon, bref, c'est des histoires de vestiaire, tout ça. Il y a un truc, on le sait pas. Faut qu'il dégage et qu'il aille ailleurs. Mais pour son bien, tu vois. Moi, j'ai aucune haine contre lui. Il est efficace, il est bien. Mais faut pas se dire New York. Un truc, je pense. Evan et les New York Knicks, c'est terminé. Il faut se le dire. Et c'est vrai que ça fait partie d'un des dossiers de l'été où je suis déçu que c'est pas été traité pendant l'été parce que, et pour lui et pour nous, okay. Ça aurait pu être quelque chose de, ça aurait pu provoquer quelque chose de bien. Mais moi, je pense qu'il passe pas la trade deadline. Comment tu vends un joueur qui a pas joué? C'est toujours compliqué avec c'est compliqué, mais ils vont finir par le brader si jamais. Il est en team option, les gars, l'année prochaine. Donc, en fait, il va commencer et à trader des joueurs. Qui, pour l'aspect financier, exactement. De le prendre, par exemple, pour le couper gratuitement. Donc ça va faire un trou dans c'est pour ça que pour moi, il passe pas la trade deadline, c'est ouais. Sûr. Même s'il arrive contre un joueur qu'on coupe derrière ou un truc comme ça, dans tous les cas, ouais. Il partira avant la trade deadline. C'est pour moi, je vois pas la chose autrement. Ça se trouve, la contrepartie, c'est du second tour de draft. Hein. Ça se trouve, la contrepartie, elle va être très minime. Ça évitera de le perdre pour rien. Mais plus on va se rapprocher de la trade deadline, effectivement, des équipes qui ont besoin de libérer du cap et tout, vont peut-être être intéressés par son contrat expirant, quitte à le couper derrière et que lui re-signe là où il a envie de signer. Pourquoi pas au Minnesota Timberwolves avec son pote Rudy Gobert. Vu que c'est le meilleur shooter d'Enix, oui, forcément. Ouais. Mais voilà, il y a du lobbying français autour du cas Evan. Evan Fournier, la première saison, il est titulaire sur tous les matchs, donc Thibodeau lui fait confiance. Les résultats collectifs sont pas là, voilà. Début de saison dernière, Grimes était blessé. Qui est-ce qui start? C'est Evan Fournier. Alors, il est revenu d'un Euro, il n'avait pas forcément fait un super Euro, il était peut-être un peu claqué. Et derrière, les joueurs lui sont passés devant dans la rotation, et les résultats ont montré que c'était le bon ajustement à faire, malheureusement. Donc, c'est pas pour faire du pro ou du anti-Evan. C'est dommage que ça ne marche pas. Il a une attitude très professionnelle. Il a essayé de faire des petits coups de pression par agent interposé, par presse interposée pour dire bah moi, voilà, faut que je parte. L'aventure, l'histoire, elle est finie. Il faut qu'on se sépare. Ouais, c'est pas si simple que ça. T'es sous contrat. Ton contrat, il peut servir en monnaie d'échange s'il y avait un gros trade pour équilibrer des salaires. C'est juste exactement. Pour ça qu'aujourd'hui, les Knicks le gardent. Sinon, effectivement, la situation sportive, il fait plus partie du projet sportif. Alors, s'il y a des blessés, il aura peut-être un peu de temps de jeu. Il montre qu'il est en forme, qu'il est capable d'apporter du scoring. Est-ce que ça sera une solution de backup derrière RJ Barrett? C'est comme ça que je l'ai aperçu, moi, sur les matchs de pré-saison. Mais voilà, il y a du monde sur les lignes arrière. Et est-ce qu'il rentre dans la rotation? Compliqué, quoi. Moi, je pense, Johnny, même s'il y a un blessé, il ne rentre pas, honnêtement. Est-ce qu'il y a d'autres solutions qui sont plus polyvalentes? Comme Kukley, ça peut jouer arrière, donc c'est compliqué, tu vois. Il passera derrière. Et puis vraiment, s'il y a un blessé, t'as Deuce McBride qui peut prendre un poste de guard et puis se décaler après derrière, donc en aucun cas je vois Evan jouer. Mais attention, pour préciser, on parle de garçons quand même qui ont mené la campagne des playoffs des Knicks aussi, donc qui ont quand même un certain crédit, quoi. Mais ceci dit, c'est bien de lui donner de l'opportunité en pré-saison de se montrer ou pas. Je suis pas sûr que ça joue vraiment sur la valeur auprès des GM. Si les GM des autres équipes le voulaient, ils auraient déjà proposé des trucs et le deal serait déjà fait. Je pense que les GM en face savent que les Knicks sont pas pressés, ça peut attendre février, tout ça. Hein. Ça peut attendre février. Dans tous les sens. C'est juste chiant pour le joueur en lui-même. Ouais. Oui, c'est relou. Ça va être vraiment relou. Je peux le comprendre. Après, le reste, c'est un jeu de patience. Hein. Autant pour c'est nous le business de la NBA. Hein. C'est pas le premier, ce sera pas le dernier dans cette situation-là. Malheureusement, nous, on le voit parce qu'on se dit « Ah, c'est un Français, c'est pas normal, vous comprenez, il est bon, il est dans son prime. » Oui, mais il a un profil qui, finalement, ne fait plus l'affaire. À New York. Est-ce que ça fait un profil qui fera l'affaire dans plein de franchises ailleurs? Je suis pas persuadé. En tout cas, c'est pas un starter pour moi, c'est plus un starter. Et après, il faut arriver à trouver une place dans une rotation avec un contrat qui est pas complètement neutre. Hein. C'est pas un contrat mirobolant, mais 18-19 millions la saison. Bon, bah voilà, pour quelqu'un qui shoot très bien, Mais si tu te sers juste en tant que shooter et pas autre chose, bon, bah peut-être tu peux investir cet argent-là sur d'autres têtes, quoi. Donc, Écoute, il va aller aux Wolves avec Rudy Gobert, vu qu'il Rudy Gobert vend un peu le délire. Peut-être. Peut-être. Et puis on peut récupérer un McDaniel. Là, moi, je serais pas. Non, un chinois. Un chinois de type Anderson. Il est très bien, chinois, regarde. Un chinois. Kyle Anderson, il est parfait. Bah, moi, après, je vais vous dire le problème. Alors, je sais pas si on va enchaîner sur un autre sujet, mais moi, la problématique que j'ai, c'est que le fait de pas faire de mouvement, on reste dans du moyen. C'est-à-dire qu'on a un bilan de 47-35, ce qui est plutôt honorable pour les Knicks parce qu'on a connu des années de disette et de crise, hein, indignes par rapport à la ville et aux couleurs. Mais on est la 13e défense et la 11e attaque. Est-ce que vous trouvez ça normal? Écoute, ce que je trouve normal et ce que je trouve satisfaisant, c'est que en 2021-2022, tu étais à 37 wins. Là, tu passes à 47 wins. Beaucoup avaient pronostiqué les Knicks en play-in. Moi, le premier, avec potentiellement du 42 wins en étant vraiment très optimiste. Non, il y a quand même un bon en avant. Moi, je trouve que ce qu'il faut regarder, oui. si tu prends les Knicks sur le prisme de « c'est un gros marché », ça doit être tout en haut, sans pour autant regarder le travail et l'évolution qui est fait sur les 4-5 dernières années. Je trouve que, ouais, tu peux être frustré sur pas mal de temps, parce que dans ces cas-là, on peut parler aussi la saison passée des Lakers, on peut parler de plein de choses, tu vois. Moi, je contextualise sur vraiment le délire attaque-défense. Mais je trouve qu'il est très difficile pour moi, là, je parle vraiment que pour moi, il est très difficile pour moi de taper sur les Knicks après la saison qui s'est passée. Ben justement, tu fais une très belle transition, Alex. Quelles sont, vous, vos attentes? On a vu donc 47, tu l'évoquais tout à l'heure, Alex, hein, 47 wins, 5e à l'Est, un tour de playoff passé face aux Cavs, où on n'était clairement pas favoris en entame de cette série, une bagarre face aux Heat qui eux sont passés par la petite porte pour faire un parcours mais vraiment incroyable. Et vous, après une saison comme ça, quelles sont vos attentes? Disons que moi, les attentes, elles vont être similaires parce qu'il y a forcément pas d'évolution. Après, autour, est-ce que ça a bougé? Oui et non, pas forcément. Mais comme je te dis, ce qui me gêne justement, c'est ce bilan moyen où justement, tu vois, il y a pas de step-up. Oui, effectivement, il y a une progression par rapport à l'année dernière, mais non, il y aura pas de surprogression par rapport à l'année dernière parce qu'un effectif stable, ça te garantit en rien une progression. Alors oui, peut-être dans les esprits, mais dans les faits, non, parce qu'on a quoi? On a un Randle qui reste variable. Justement, c'est ça le problème. On a un Evan qui est pas existant. On a un Brunson qui va peut-être survalider son année. On a un Barrett qu'on attend depuis très très longtemps. Qui t'es pop petit à petit, ok, d'accord. Après, il y a des IQ, il y a des Grimes, il y a des Hartenstein, il y a des Hart. Oh, c'était magnifique, Hart. Mais est-ce que ça va suffire à voir, parce que effectivement, quand on fait la revue d'effectifs, on se dit c'est les mêmes, donc on prend les mêmes, on recommence. Et en même temps, la saison dernière, il y a eu une petite phase d'adaptation. Il y a eu le réajustement, la réduction de la rotation exit Evan. Et aussi, on a eu un effet Josh Hart. Et la fin de saison régulière a été très bonne une fois que Josh Hart est arrivé. On a enchaîné les séries de victoires. Donc, à voir si on fait un bon début de saison. Et est-ce qu'on arrive à garder le rythme, où on passe à travers de grosses blessures. Mais effectivement, on se dit continuité dans l'effectif. Pas de gros step-up, une concurrence qui augmente, enfin qui progresse sur les têtes d'affiche et puis qui stagne ou qui reste à peu près du même acabit sur les restes. Donc on peut se dire, on va reprendre les mêmes et on va arriver à peu de choses près au même range. On va être en compétition avec les mêmes équipes pour viser un milieu de tableau de saison régulière. Et puis après, on voit où ça nous mène, quoi. C'est là où c'est dommage parce que alors, je suis d'accord sur la continuité et la stabilité. C'est quelque chose qui a manqué depuis beaucoup de temps au Knicks. Enfin, on l'a. Maintenant, moi, je reste persuadé qu'à un moment donné, il faut être clivant. Et après, moi, de mon œil bizarre, la meilleure attaque, c'est la défense. Il faut qu'on se positionne et qu'on soit clivant d'un côté d'un secteur du jeu. Mmh. Et pour moi, il y a trois points. C'est Evan Fournier, ça dégage. Mitchell Robinson, ça dégage. Julius Randle, on voit ce qu'on peut faire. Mais et on recrute de la défense et ça bouge. Ah, t'as une base avec des intérieurs solides défensifs que ne sont pas Mitchell Robinson. Oh si, t'es dur avec lui. C'est dur avec Mitch. Non, mais je vois qu'on est troisième au niveau du rebond dans la ligue. Ok, d'accord. Mais lui, ça sert à quoi ? Ça sert à rien. Et le deuxième, je crois, meilleur rebondeur offensif de la ligue. Donc, mais tu vois, il donne. Alors, c'est pas défensif, c'est offensif, mais ça redonne aussi pas mal de ballons de seconde chance lorsque l'attaque piétine un peu. Parce que, effectivement, on a. à Randle qui foire, parce qu'il est même pas dans les top 5 des pourcentages des meilleurs Knicks en activité. Je vois, il y a Sims, il est à 77%. Il y a Tu vois mais Sims, Sims, c'est des gars qui sont tous sur des dunks. Voilà, c'est comme Mitch qui a battu le record de Will Chamberlain. Faut. Non, mais Randle, il est pas dans le top 5, tu vois, alors que c'est notre franchise player. Tu vois, j'ai Robinson derrière qui est à 67%. Après, on a Hart qui est à 58%. On a Hartenstein qui est à 53%. On a Zizou, il prend un gros volume. Mais les pourcentages des intérieurs sont toujours plus importants que les pourcentages des joueurs qui jouent à l'arche. Je suis totalement d'accord, mais d'où la place de Randle dans ce top, mais qu'il n'y est pas. Il joue au large, le garçon, quand même. Il est pas. Trop, en fait. Ouais, il joue au large, mais au large du cerveau, pas au large du terrain. Il y a les deux. Mais... Enfin bon, voilà mon avis. Après, vous savez que je suis très clivant, je suis très hardcore dans mes avis. Vous savez que je suis un ultra mix. Donc voilà. Après, je laisse les autres s'exprimer. J'en ai fini pour ma part. Non, pour rebondir sur un petit point qui va peut-être aller dans ton sens. Effectivement, là, dans ces derniers temps, il y avait le cas Jrue Holiday qui est parti au Portland Trail Blazers avant de revenir vite fait à Boston. Et semble-t-il, dans les rumeurs de package de discussion qu'auraient eu les Knicks avec Portland, Mitchell Robinson a été évoqué. Donc, effectivement, on a un joueur qui se plaint de ne pas être trop utilisé en attaque, qui a un rôle très important dans l'ancrage défensif. Hein. Quand on parle des Knicks, pas assez défensif. Effectivement, quand t'as un Brunson, quand t'as un Randle et quand t'as un Barrett, c'est pas les meilleurs défenseurs du monde. Donc ton 5, bah, tu l'équilibres avec deux autres qui sont dans des profils plus défensifs. Et ben forcément, t'as une équipe qui est moyennement défensive. Et encore, on s'en sort plutôt bien. Moi, je pense que la saison dernière, Thibodeau a bien redressé la barre avec notamment l'arrivée de Brunson. Les dossiers Reddish qui ont été gérés, admettons. Et au final, on a maximisé le potentiel de ce qu'on pouvait tirer de cette équipe, quoi. Effectivement, on termine à 47-35, on passe un tour en playoff, on titille, on accroche Miami. Franchement, oui, on signait d'entrée de jeu pour ce genre de résultat, parce que au vu de l'effectif, il n'y a pas de joueur méga star dans cette équipe. Ok, Randle, double All-Star. Bon, Brunson aurait mérité, effectivement. Mais voilà, à un moment donné, quand tu arrives sur le top du top de la ligue, bah, tu n'as pas ces joueurs qui sont même présents à Cleveland. Hein. On n'a pas un Donovan Mitchell, on n'a pas un Jimmy Butler, on n'a pas un Tatum, on n'a pas un Giannis. Il n'y a pas ça dans l'équipe des Knicks aujourd'hui. Donc, on tire l'année dernière le max de ce qu'on peut tirer de cette équipe. On n'est pas loin de pousser jusqu'à un match 7 face au Heat. C'était dommage, ça laisse un petit peu de regret parce qu'on n'était pas très loin. Et encore, sur cette campagne de playoff, tous les joueurs n'étaient pas au niveau. Donc, la régulière, bah, il faut s'attendre à, je pense, avoir une régulière dans le même acabit. Est-ce qu'on aura un ajustement? Est-ce qu'on va viser un top 4, 3? Est-ce qu'on va viser plutôt un top 6? Bon, il faut retourner en playoff et à voir aussi comment ça se passe sur les opportunités de trade en courant de saison. C'est frustrant aussi parce que tu vois, tu as des opportunités justement de marché avec un Evan Fournier à 18 millions qui est bankable quand même. Il n'intéresse personne, Evan, aujourd'hui. Il n'intéresse personne. Oui, mais tu le coupes là, je sais pas, un tour de draft, un first round ou je sais pas, ou un Mitchell Robinson et tac, tu tapes un putain de contrat à 30 millions. Pardon, je suis vulgaire, mais tu manges un contrat à 30 millions qui peut te faire du bien. Même si tu as deux gars en moins, justement, dans le secteur intérieur. Ouais, mais tu mises sur qui après? Tu mises sur qui pour te faire step up à 30 millions? On va citer des noms, hein, comme il y en a 46 000 de prévus Onyx. Non, mais je sais pas. Moi, je m'arrête là. Mais il y a des potentiels. Il y a eu dans les rumeurs de l'été, il y a eu Paul George. Je prends 10 000 fois Karl-Anthony Towns. Vas-y, je le prends, même si. Alors, c'est pas les mêmes profils, c'est pas les mêmes tarifs, mais après il y a des histoires d'injury prone dans ces joueurs-là aussi, donc c'est une prise de risque que Léon Rose a pas fait, quoi. Je comprends un peu la position d'Alex, c'est que en tout début du podcast on parle de Carmelo Anthony. Attends, je me gratte la barbe. Du monde des joueurs, ce qui nous manque peut-être là où il a pas de chance, ce qui nous manque peut-être dans cet effectif qui est combatif, qui fait quand même une super belle saison, il nous manque quand même effectivement un joueur star, un joueur qui puisse faire. Il manque à Jimmy Butler, franchement. Assurer le scoring quand on en a besoin. Un mec qui a des coronets, qui défend, qui attaque, qui prendra les derniers ballons. Brunson peut le faire, mais il est petit, donc ça va être vite limité quand il est ciblé. Il est tout seul. Il a été tout seul en playoff. Il manque, lui, il a fait mal. Hein. Aurait pu être Randle, mais moi, j'y crois pas du tout. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. C'est vrai qu'il manque une star au Knicks, et ça fait quelques années qu'il nous en manque une. Une star dans le pourcentage de la masse salariale, quoi. Arrêtez avec les noms, là. LeBron, KD, tout ça, on arrête. Voilà. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que ça dépend des opportunités. Et Léon Rose, ce qu'on a vu dans son travail, c'est qu'il joue quand même beaucoup sur la patience et il veut pas faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, ça, c'est tout à son honneur, parce qu'on a connu quand même quelques années où c'était beaucoup plus difficile à ce niveau-là. Et là, moi, je suis quand même content d'avoir de la stabilité, même si oui, on va pas viser le d'être numéro 1 de la Ligue cette année. Si on essaie 5-6e, moi, ça m'ira très bien. Mais c'est de retourner en play-off, et en play-off, tout peut arriver après. Donc, c'est une équipe compétitive, il y a de la défense. Bon, honnêtement, j'aimerais pas être l'équipe d'en face si t'as Quickley, Grimes, Hart, Vincenzo et Mitchell Robinson sur le terrain. Là, faut marquer un panier. Il y a des points positifs, mais en effet, la star, on va dire presque tout le monde l'attend, mais je trouve qu'il faut trouver la bonne star. Et on a beau, moi j'y ai réfléchi longtemps, et c'est compliqué de trouver une star. Même si tu mets par exemple le dernier MVP, là, Joel Embiid, honnêtement, Joel Embiid, ok, bon, c'est le dernier MVP, c'est ce qui le mérite par rapport à Jokic. MVP français. il avait qu'à prendre l'équipe de France. Bref, je veux dire, même si tu mets aujourd'hui Joel Embiid, là, t'es obligé d'envoyer la moitié de ton roster, tu casses tout un travail qui a été fait pendant quelques années pour une star qui aujourd'hui ne gagne pas aux Sixers de toute façon. Donc, il part en plan à chaque playoff. Je vais me mouiller, je vais pas faire comme Alex, je vais donner un nom. Ah. C'est celui que tout le monde prend, c'est le nom de Villanova. On attend que l'autre il soit en fin de contrat à côté de chez nous. Il traverse, il vient chez. Et on a notre ailier, ça complète un peu ce qui nous manque. On a Bridge et puis c'est tout bon. Ah, bah ça, c'est top. Mikael, ouais, ça c'est le top, on est d'accord. Mais c'est pas une superstar comme certains l'entendent, hein. Non, mais il peut le devenir. Mais alors, il peut le devenir, oui et non, mais en tout cas, il sera super dans le collectif. C'est ça, c'est, ouais, ça, je suis sûr. Moi, c'est pour ça que je dis le devenir, c'est qu'après, quand tu es super bon à New York dans le collectif et que tu montes encore d'un niveau, je pense que par la force des choses, tu deviens une star de la Ligue. Ouais, on est d'accord. Mikael, c'est top. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette saison, il y aura encore des spéculations, il y aura encore des rumeurs, il y aura encore des photomontages. Les noms, on les a déjà, les Zion, les Lavine, tout cela, on les connaît, hein, les Karl-Anthony Towns. Voilà, avec le numéro 33. Avec le numéro 33, tu saignes les yeux quand tu vois ça. Tu dis, c'est pas alors que ton bio, c'est le 32, tu vois, c'est facile à faire. C'est NBA central. Mais voilà, oui, il n'y a pas un joueur qui fait l'unanimité, et puis après, il y a la disponibilité du joueur. Giannis a laissé faire croire à un moment cet été, oui, moi, je ne jouerai pas, et dans une équipe qui n'est pas compétitive, boum, il aura bien joué. Dame Lillard. Bon, est-ce que ça ira au bout? On verra, mais en tout cas, il se donne le moyen de le garder, de jouer quelque chose. Les Knicks, aujourd'hui, de se dire, est-ce qu'on va viser des finales de conf? Bien malin qui peut le dire, parce qu'il faut passer devant des Bucks, des Celtics, Cavs, Miami, je sais pas. Voilà, on va être dans un range de certaines équipes. Ouais, tu me fais rêver, les Celtics avec KP. ils ont fait un pari de leur côté, on verra et ce que Jason ça donne. Et Jason Tatum, en perdant Smart, en perdant Grant Williams, je veux pas clasher les Celtics. Mais ils récupèrent Jrue Holiday, donc Smart. Ouais, heureusement qu'ils ont récupéré Jrue Holiday, hein, c'est clair. Mais bon. Parce que sinon, Alex, je vais te jeter une petite pièce, Alex. Est-ce que vous avez déjà fait les bilans, enfin, du moins vos projections là, sur les différentes franchises NBA, sur votre média? Est-ce que tu peux le rappeler, ton média, s'il te plaît, Alex? HBA France, je n'émets aucun bilan d'avance. D'accord. Pas de projection. Je laisse ma communauté s'exprimer. C'est beau. Et je ferai le bilan. Alors, on n'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup à me suivre. C'est pas comme Trash Talk ou First Team ou etc. etc. Bon, je laisse la communauté s'exprimer et je m'exprimerai en temps. D'accord. Voulu. Mais sinon, moi, j'aimerais quand même, une fois qu'on s'est dit tout ça, là. Est-ce qu'il y en a qui seraient prêts à se mouiller pour un bilan? Et si playoff, quel niveau? Voilà. Donc, double question. Pour les Knicks, on va commencer le tour de table. Hey. Donc, vas-y, Alex, je t'avais donné la parole. Toi, sors-moi à peu près un bilan où tu vois les Knicks positionnés au moins dans le classement à l'Est. L'année dernière, j'avais dit 41-41. On est à 47-35. Voilà, j'ai envie de te dire ça m'énerve. Un 46-36. Ouais. Et on va se manger les Celtics qu'on défonce, parce que Jason Tatum, c'est une blague. Okay. Et Jalen Brown va être encore le franchise player sous côté. Et 46-36, c'est quoi? T'as le 6e spot? Je sais pas. Alors, dans le classement, je sais pas. On se entre 5 et 6 par rapport à la dernière. Allez, un 5e, un 4-5. Ça, les trucs, c'est play-off ou play-in? Play-off avec un 4-5 en confrontation et les Celtics qui se chient dessus encore avec un Tatum honteux. Voilà. On n'est pas dans l'excès. Et on rappelle que Jalen Brown, il est sous-coté alors que le mec, il a un bon contrat, quoi. Alors maintenant, qui veut se mouiller, Joe? Vas-y, mouille-toi, Joe. Ça suffit, Alex, ça suffit. Arrête tes bêtises. Pardon, excusez-moi. Donc, on a compris. L'aventure s'arrête au deuxième tour. À voir. Après, si on passe un tour, tout est possible. Okay. Champion du monde. Okay. Champion du monde. On va être champion du monde. Je vais essayer d'être, je sais pas, peut-être plus raisonnable. Non, je verrai pas Boston descendre aussi bas. Pour moi, ils font partie des favoris. Lennox, moi, top 4 ou top 6, tu vois, un range qui se joue là-dedans. Et peut-être un peu moins de victoires que la saison dernière. La saison dernière, on fait 47. J'ai du mal à nous voir aller monter jusqu'à 50 victoires cette saison parce que l'effectif, il reste à peu près constant. Attention aux blessures et tout. Donc, moi, je verrais bien un 45, 46 win. Et puis, dans un range minimum top 6, hein, faut être qualifié direct au playoff. On ne peut pas se permettre de se dire on passe par le play-in, ça ferait vraiment un pas en arrière, alors qu'on n'a rien fait pour régresser. On veut une certaine stabilité, donc on doit se retrouver dans la même course que l'année dernière. Au mieux, top 4 et au pire, top 6, avec 45-46 wins moi, pour cette D'accord, saison. Et ça passe un tour ou pas? Après, pour les playoffs, bah, ça va dépendre l'état de forme, l'opposition, tu vois, c'est un peu plus compliqué, mais bah oui, dans l'esprit, tu te dis, t'as passé un tour cette saison, mais parce que Cleveland s'est loupé, et en même temps, t'as pas eu les adversaires les plus coriaces, même si le Miami Heat fait un super parcours pour aller jusqu'en finale, il y avait quand même un petit peu une story qui était un peu particulière pour eux. Mm-hmm. Si tu tombes sur des Bucks au second tour ou autre, bon, bah voilà, bon courage, tu vois, quoi. Donc, non, j'ai du mal à nous voir faire plus qu'un tour en playoff avec cet effectif. La différence, elle viendra de joueurs qui n'ont pas assuré en playoff cette année, Quickley et Randall, quoi. Ouais. Brunson, est-ce qu'il va pouvoir avoir sa cape de super-héros et sortir des séries à 40 points par match tout le temps sans être freiné par les défenses adverses, ça va être compliqué, quoi. Donc, non, sans renfort, on n'aura pas. Je vois pas comment on peut aller plus haut en playoff la saison prochaine. Après, les playoffs. Tout peut se passer, mais quand même. Donc ouais, okay. Pour moi, un top 4 à 6, 45-46 wins, yes. Et passer un tour, mais pas deux. Oh, ok. Pierre-Alex, toi, comment tu vois un peu le film? Bah, moi, j'ai envie de dire à peu près, dans mes espérances, on va dire, dans l'état actuel des choses, sans parler de la trade deadline, que j'attends avec impatience, parce que voilà, les potentiels ajustements qui peuvent tomber et qui peuvent nous faire step up. Mais dans l'état actuel, j'aurais plus tendance à dire 5-6, voire 7, si vraiment, voilà, ce serait dommage, mais serait dommage d'être en haut du, c'est quand même le haut du play-in, mais malgré tout, ce serait dommage de régresser, comme l'a dit Joanie. Mm-hmm. Mais c'est vrai que moi, ce manque de poste 4 dans l'état actuel, là, je pense que ça va nous coûter quelques victoires qui vont être précieuses à la fin du classement. Ouais. Et si, encore une fois, si quelques blessures, des choses comme ça. Donc bon, voilà, j'ai gros espoir qu'il se passe quelque chose à la trade deadline et qu'on finisse à 48-49 victoires. Hein. On a tous envie que les choses se passent bien. Mais là, j'ai vraiment peur de ce manque de poste 4. Et voilà. Donc, est-ce que ça passe un tour en playoff? Tout dépendra exactement de ce qui se passe aussi après. Bon, ça, c'est très compliqué. On aura le temps de voir ça, justement, en fonction de l'évolution de la saison. Willy, toi, de ton côté, toi, comment tu vois un peu le scénario, là? Je valide tout ce que vous avez dit entre le 4-6, là, plutôt 5-6, mais moi, je vais être ambitieux et j'ai envie d'y croire. Je vais taper un vrai 4, mais pas un 5. Je pense qu'on peut faire 4. Et je pense l'avantage direct au premier tour. Je pense qu'on peut faire du 50-32. Et si on chatte un peu et qu'on rencontre pas les Bucks derrière en demi, je pense qu'on peut faire finale de conf. En espérant qu'il se passe des choses et que par exemple Boston fasse premier de la ligue à l'est et qu'on les rencontre en demi et qu'on les tape. Moi, je crois beaucoup en deux choses qu'on n'a pas trop parlé, c'est que Grimes va encore monter, Quickley va encore monter. On a plus de rotation avec DiVincenzo, Barrett et Hart sur les ailes. Donc moi, j'ai envie de croire une belle saison avec une continuité des mecs qui ont leur rôle déjà l'année dernière. C'est-à-dire que l'année dernière, on démarre en se disant est-ce qu'on fait jouer Fournier, Grimes s'est blessé. Là, on n'a pas de blessé aujourd'hui pour l'instant, majeur. Donc je pense qu'on peut bien démarrer et si on démarre bien, franchement, je nous vois faire une bonne saison. Ok. Bah écoutez, champion, toi. Moi, l'année dernière, j'avais donné 42, j'avais donné play-in, si ma mémoire est bonne. Bah écoute, moi, je veux que je les vois à minima faire ce qu'ils ont fait cette saison. Donc pour moi, je te rejoins sur le côté peut-être avec un peu moins de victoires parce que je pense que oui, dans la tambouille de début de saison, je pense qu'on va laisser un petit peu de plume. Malgré tout, je vois les Knicks bien calés là dans la zone dernier spot playoffable direct. Hein, j'entends. Je les vois également refaire un premier tour de playoff. Mais après justement, messieurs, je voulais vous poser une petite question. Est-ce que vous avez chacun de votre côté juste un joueur, s'il vous plaît, un joueur que vous allez suivre et pourquoi en fait? quel est le joueur que vous attendez? Moi, personnellement, un mec que j'attends cette année, c'est IQ, de par sa situation contractuelle, de par la petite frustration que j'ai eue sur sa fin de saison, où on lui a donné quand même pas mal d'opportunités, il a pris pas mal de temps de jeu, et je trouve que sa gestion de certains moments était un petit peu en deçà. On connaît tous son éthique de travail et compagnie, mais moi, je vais suivre particulièrement IQ, moi, cette saison, et son évolution va m'attirer. Après, j'ai dit un joueur, hein, donc... Est-ce que chacun peut se lancer là sur l'exercice là ? Vas-y, moi j'enchaîne. Vas-y. Moi c'est Grimes, je l'ai évoqué hein, sur KNF TV. C'est le joueur du 5 majeur, parce qu'aujourd'hui il a sa place dans le 5, qui a le plus à perdre en fait, parce qu'il y a de la concurrence, hein, il y a du Dante derrière, il y a des joueurs qui ont des qualités qui peuvent venir lui prendre son spot de starter. Il est jeune, il sera aussi à prolonger, donc il aura une situation contractuelle qui sera à revoir. Et ce gamin, il a tout en main pour nous faire un bon joueur de complément. Moi j'aime, entre guillemets, à le comparer à un Clay Thompson du pauvre, parce qu'il défend, parce qu'il a cette capacité, ce beau shoot. Il peut se lâcher, il peut aussi très bien passer. Il a un bon handle et tout, donc il est vraiment très utile dans cette équipe. Et ce qui lui manque juste, c'est cette régularité pour rentrer ses shoots ouverts. Mmh. Ses shoots, ils sont toujours bien pris, il n'en abuse pas. Et voilà, à partir du moment où ça va tomber dedans, on risque d'avoir quelques petits cartons offensifs du garçon, parce que c'est pas lui qui est la cible des défenses adverses. Donc j'ai envie qu'il nous rende ses shoots, qu'il ait une meilleure efficacité. Il a très bien taffé cet été, il a eu des bons petits coachs à l'ancienne, des Penny Hardaway, des JJ Redick. Donc le garçon, il est prêt, il a la confiance du coach, faut que tous les voyants soient ouverts pour que lui fasse quelque chose de bien. C'est juste l'adresse, c'est une question d'adresse, sinon tout le reste c'est déjà bon, c'est déjà en place. Donc moi, c'est lui que j'attends le plus. Okay. Bien sûr, tous les autres, on attend qu'ils assurent, oui. Mais lui peut faire un peu la différence. Voilà, donc toi, tu peux faire une différence. Suivre Grimes, ouais. Du coup. Moi, c'est Grimes. Ok. Pierre-Alex, toi, tu suivrais qui, là, cette saison ? Alors, c'est pas celui que je vais attendre le plus, mais c'est celui que je vais le plus regarder et analyser. C'est, ouais. Comme déjà depuis 2 ans, R.J. Barrett. Ouais. R.J. Barrett, c'est quoi le projet ? On y croit, on n'y croit pas. Il step up pas. Et il régresse, il remonte. C'est compliqué, il développe pas énormément son jeu, il a un jeu très stéréotypé quand même. On a mis beaucoup d'argent sur lui quand même l'été dernier. Donc trop d'irrégularités l'année dernière, et d'ailleurs toutes les saisons quasiment, mais trop d'irrégularités. J'aimerais juste qu'il retrouve pas forcément un niveau de jeu exceptionnel, hein, c'est pas ce que je demande, et j'y crois plus trop. Mais ce que je demande, c'est de la régularité. Un peu de fiabilité au shoot, mais vraiment de la régularité, parce que des soirs où il met 2 points à 0/8, c'est pas possible, c'est plus possible. Et bon, il n'a peut-être pas eu, hein, je dis ça au hasard, mais en tout cas des soirs kata, il y en a eu. Et il y a eu des séries difficiles, c'est pas normal. Je suis d'accord. Et il y a eu des séries vraiment très très difficiles. Ouais. Après Noël, ça a été mieux de mémoire. Il me semble c'est jusqu'à Noël, c'est ouais. Très compliqué pour lui. Et après Noël, ça a été mieux. Donc là, cette année, j'ai pas envie qu'il nous fasse une demi-saison. J'ai envie qu'il nous fasse une saison pleine. Et ça pourra aussi nous rapporter quelques victoires. Et voilà, R.J. Barrett, on a mis un beau contrat. Donc j'y crois encore un petit peu, on va dire tout ça. Et donc je vais le regarder. Voilà. Ok, ça s'entend. Alex, toi, tu cibles qui là cette année ? Sur qui tu vas ? Azaïa Roby, je mets toutes mes pièces sur Azaïa Roby. Il va vous faire mentir, messieurs. Il va vous faire taire. Et ça prouve le mec qui va être cut au training camp, quoi. Non, après, j'espère que Evan Fournier va dégager. Randle, il va se dire bon, bah, je suis trop con pour les Knicks, donc je me casse. Et voilà. Puis voilà. Non, on t'a demandé un seul joueur, un nom. Ah, pardon, excusez-moi. Bon, bah, Azaïa Roby. Ok, grosse cote, ça fait plaisir. Là, je te retrouve là, Alex. Ça qui est bon. Willy, toi, sur qui tu vas zoomer fort cette saison ? J'aurais pris Grimes, mais il m'a piqué mon choix. J'aurais pris Quickley, mais tu me l'as pris aussi. Parce qu'à 5, on va faire le 5, Willy, tu vois. J'en ai un bien. Moi, je vais être focus sur Tibbs. Très bien. Parce que c'est important aussi. Alors, moi, je suis pas anti-Tibbs ou pro-Tibbs. Je suis assez neutre avec lui. J'ai beaucoup de respect pour le bonhomme, pour sa carrière, pour ce qu'il fait avec des fois pas grand chose. Mais par contre, s'il y a un problème avec lui, c'est son attaque. Ah. L'année dernière, ça a été bon parce qu'il a récupéré Brunson. Et bon choix de leur part d'aller chercher un mec. Parce que ça, on n'en parle pas encore souvent. Non. Ce soir, on n'en a pas parlé. Mais le rapport qualité-prix du contrat qu'on lui met, les gars, c'est incroyable. Parce que quand tu vois des mecs là, qui partent à 30 millions, 35 millions, Brunson, au prix qu'on l'a eu, c'est incroyable. Bref, donc moi je vais être pas mal sur Tibbs pour voir s'il arrive à faire rentrer tous ses arrières ailiers qui sont Grimes, Barrett, Hart, DiVincenzo, et comment il va se débrouiller avec juste Randle en PF et Roby pour Alex hein, derrière s'il le fait jouer. Donc ouais, j'ai un œil sur Tibbs moi. parce que je pense qu'il est aussi une des clés de la très bonne saison qu'on peut faire. Bah écoute, je pense que c'est un très bonne fin de tour d'horizon, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas abordé le cas Tibbs alors qu'on l'aborde tous les ans. Donc je trouve que c'est très intéressant. C'était révélateur parce qu'il était sur la sellette la saison dernière. C'est ça, il a été critiqué, il n'était pas très loin, on aurait pu penser qu'il allait sauter. Et finalement, il a plus que sauvé ses fesses. Là, aujourd'hui, il faut vraiment forcer pour dire non, il faut dégager Tibbs. Il a encore énormément de haters, hein, Tibbs, hein, dans la Knicks fanbase. Hein. C'est pas mon cas, hein, mais... C'est la mafia. C'est un peu le délit de sale gueule. C'est le butcher coach qu'on aime, non, mais... au Knicks. Et c'est ce côté, voilà, il n'a pas un côté très, très sexy, dans son sex appeal n'est pas très développé, quoi. Hein. Ah non, ça passion défense. Mais aujourd'hui... Passion défense. Aujourd'hui, il a la confiance du... Il a les résultats aussi qui font que tu peux pas le sortir maintenant. Donc, on verra jusqu'où ça va. Est-ce que ça sera une nouvelle saison catastrophe? Et le coach est le premier fusible à sauter, comme c'est souvent le cas. Mais aujourd'hui, il a montré des résultats. Si on reprend un peu de hauteur et qu'on regarde les coachs qu'on a eu les années précédentes, bah voilà, il y a de la régularité. Il a quand même réussi à sortir un Randle double All-Star. C'est quand même une réussite en soi. Donc à voir jusqu'où il va, hein, avec ce groupe et ce qu'il arrive à en faire. Mais je rajouterais même que son siège est nettement moins chaud qu'il ne l'était à l'intersaison de l'année dernière. Complètement. On parle même de prolongation. C'est là où t'as le butcher side qui ressort, c'est qu'un mec il arrive et dit mais les gars Fournier, mais qu'est-ce que vous me parlez? Le gars quand je le sors de la rotation, j'ai des résultats. Qu'est-ce que tu parles de bon, après ça c'est un délire franco-français, donc ça concerne que la Knicks Nation. Donc, à peu près 1 million de personnes, mais dont la moitié ne savent pas qui sont. On doit mouiller. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, c'est le gars, il arrive, il dit mais écoutez, les mecs, moi j'ai un métier, je le fais, j'ai des résultats, fermez-la. Et depuis quand on n'a pas eu ça au Knicks? Il y a eu le même cas avec Kemba Walker l'année d'avant. Est-ce que c'est monsieur Fizdale? Hein, Fizdale, hein, à l'époque. Vous vous souvenez, messieurs? Les gars, j'ai un bilan, mais t'as le bilan de ferme-là, en fait. Donc, bon, bref. Ah, bon, voilà, je suis bilan de rien du tout. Je m'étends, non, mais ça, c'est vrai. Hein, Les gars, on a un coach, profitons-en. C'est juste ça. Et puis lui, c'est vrai qu'il sait faire. Il l'avait fait avec justement Kemba Walker. Voilà, non, puis même, je veux dire, avec le cas Kemba Walker, il n'avait pas hésité à le mettre sur le banc, si vous vous souvenez bien. Oui. Il avait été très critiqué par tout le monde. Ah, quand même, Kemba Walker sur le banc, c'est honteux, on ne sait pas ce qui se passe, etc. Il avait redressé quand même la barre un petit peu, il l'avait remis après parce que bon, je pense que ça a pas mal gueulé qu'il l'avait enlevé, et finalement il l'a réenlevé encore en fin de saison, et c'est là qu'on a fait un bon run et qu'on a réussi à gagner. Ouais. Et il a fait la même chose pour Evan Fournier, il n'hésite pas. Si un jour il voit qu'RJ Barrett ça va plus, il le foutra sur le banc, lui il en a rien à faire. Hein. Franchement, Il l'a déjà fait. La lecture de type, elle est limpide, c'est que c'est un coach défensif. Si le gars offensif lui apporte plus que ce qu'il devrait lui apporter défensivement, il jouera. Type D. Rose, pas de problème, je te donne les clés. Tu me qualifies. Si par contre, t'es juste Kemba Walker, t'es juste Fournier, et quand dans le plus moins, tes 3 points me rapportent moins que les 15 points que tu te prends dans le cul de l'autre côté, bah t'iras sur le banc. Et avant, la saison 1, il a des blocs, il a des mecs qui peuvent mettre le cul par terre et aller chercher de la défense. La saison 2, il a des mecs trop offensifs, et c'est parti en cacahuète. Donc là, saison 3, ça a marché. Saison 4, ça va être pareil. Il va laisser les mecs... Type Brunson, peut-être que Brunson peut prendre des points, mais par contre, il lui en apporte énormément de l'autre côté. Donc Brunson jouera. Ça sera vraiment pas le cas d'un mec comme Fournier. Pour synthétiser là ce qu'on vient de dire un peu, il y a un truc qui est de toute façon qui est clair. Il faut arrêter aussi de jouer les enfants gâtés. Maintenant qu'on revient à peu près dans la course et qu'on est compétitif, il y a quand même un coach qui sur 3 saisons nous amène 2 fois au playoff. On sait d'où on vient, quoi. Donc On sait ses qualités, on sait ses défauts. Comme tu dis, il nous amène en playoff, on reprend de la fierté, on n'est pas dans un BGT en bas du classement. Donc il faut se satisfaire déjà de ce qu'on a, et après la suite, ça sera étape par étape. À Léon de Rose aussi de bouger quand il pourra bouger. Bien sûr. Et apporter du plus à cet effectif. Non, parce que là, oublier la tanking machine, moi, ça me fait un bien fou, hein, je vous le dis très clairement. Ah ouais, c'est clair. Je sais même plus comment ça s'appelle. Tankathon. Ah, le tankathon, le fameux. On était favoris souvent dans ce concept. Ah oui. Oh, oui. En attendant, il y a une équipe qui a eu 4 fois le first pick dans les 20 dernières années. Nous, on l'a eu 0. L'année de Barrett et l'année de Porzingis, on était premier. Ouais. Attends, cite l'équipe, s'il te plaît. Et les Cavs. Et voilà. Les Cavs de qui? Les Bron James. Merci. Ah là là là là, ça fallait qu'il la place. En tout cas, messieurs, la saison NBA, à l'heure où on enregistre, redémarre dans à peu près une semaine, hein, 8 jours pour être précis. Après, ça dépend quand le podcast sera disponible. Forcément, l'excitation revient. Personnellement, côté associatif, et c'est très important, les affaires reprennent. Donc, nécessairement, la première chose, c'est de s'adhérer, messieurs. Il faut s'adhérer à Nixtation France. Attends, la fin du mois. Les formulaires sont déjà disponibles sur nixtationfrance.com. La campagne est lancée. Le visuel du nouveau t-shirt exceptionnel, Joanie, est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? Bien sûr qu'on peut en parler. Effectivement, il y a des gens qui sont chez Nike qui sortent des City Edition. Nous, on sort tous les ans un nouveau visuel. Alors, on bosse pas chez Nike. On n'a pas la même force de frappe marketing et de designer, mais on a des gens qui ont du talent, qui savent bien faire les choses. On a des bons petits concepts. Et donc là, cette saison, sur le nouveau visuel du t-shirt, on remercie Laetitia pour sa création. Eh bien, c'est ni plus ni moins que tous, oui, oui, tous les joueurs des Knicks qui ont un jour joué un match NBA. Bon, les training camps, ça compte pas si t'as pas passé le cut. Même Carmelo. Match officiel. Hein. Même Carmelo, même Baker, Ron Baker, Bargnani, Porzingis, tous. N'importe quel nom, il est dedans. Il est dans Brass le Dekis. Visuel. Brasdekis, il est dedans. Kuzminskas, il est dedans. Kuzminskas. Le moindre joueur d'Enix est présent sur le t-shirt 2023-24 de l'association. Franck Ntilikina, il est présent. Après, c'est un jeu, il faut arriver à trouver où est sa place. La taille du nom du joueur importe pas par rapport à son rôle, c'est plus un choix artistique. Et dans le dos. Mais Evan est dedans aussi. Evan est dedans, tous. Kevin Serafin, si vous êtes fan des joueurs français, vous les avez tous. Oui. Si vous êtes fan d'un role-player, vous l'avez. Il sera présent sur votre t-shirt. Là, on n'en a oublié aucun. Donc voilà, donc nouveau t-shirt, nouvelle saison, nouvelle campagne d'adhésion, tu l'as dit. Les événements, par contre, on en parle des événements, il y a des événements qui arrivent. Et il y a le main event qui a déjà été annoncé courant septembre, le voyage associatif. Alors avant, on faisait des méca trips parce qu'on allait à New York, on allait au Madison Square Garden. On va toujours retourner à New York, on va toujours aller kiffer au Madison Square Garden, on va aller supporter cette équipe avec nos beaux t-shirts et tout. Mais en plus, cette saison, petite nouveauté, petite expérimentation, on fait un petit déplacement en road trip sur la côte Est pour aller voir qui ? Les Philadelphia Sixers. Alors, on va pas que voir les Philadelphia Sixers, on va aller aussi supporter les Knicks là-bas, voir s'il y a encore du Harden, on sait pas, s'il y a toujours du Joel Embiid, est-ce qu'il joue pas aux Knicks ? On verra, mais on va aller faire un petit tour dans la cité, c'est quoi, de l'amour fraternel ? Je crois que c'est comme ça qu'on la surnomme Philly. La ville de Rocky, la ville du Philly's Cheesesteak, une spécialité culinaire qui réchauffera, je pense, allègrement nos voyageurs les temps d'hiver. Voilà, parce que les dates du voyage, hein, le voyage est fixé du 21 au 26 février 2024. Donc, vous l'avez bien entendu, un package avec un match Wells Fargo Center de Philadelphie pour voir donc, les Sixers face aux Knicks. Double header, parce qu'on revient au Madison Square Garden pour une affiche énorme face aux Boston Celtics qu'on a beaucoup évoqué durant ce podcast. Les inscriptions, Joanie, les inscriptions sont juste à la fin du mois d'octobre, donc traînez pas si vous voulez en être, parce que c'est le genre d'expérience qu'on fait une fois dans la saison. Voilà, il y aura qu'un voyage cette saison. L'année dernière, il y a eu deux voyages, c'était exceptionnel. Cette année, il y a un seul voyage, donc profitez-en. Les affiches, tu l'as dit, elles sont magnifiques, les Sixers et les Celtics. Est-ce qu'on doit vous rappeler les ambiances que c'est quand Kristaps Porzingis débarque au Garden? Est-ce qu'on doit vous rappeler comment ça se termine quand les Knicks gagnent face aux Celtics? Il y a des vidéos sur internet avec des dingueries pas possibles. Je pense qu'on va vivre de super moments. Attends, on a vu KP aussi au Knicks, comment ça se termine face aux Bucks. C'est vrai. C'est la dernière fois qu'on a vu KP au Madison Square Garden avec l'association. Le garçon est ressorti et a eu quelques petits problèmes de santé. Donc voilà. On peut dire le Tim Hardaway qui se fait dunker dessus ou pas? Aussi. Ça fait partie des souvenirs. Il y a toujours de super souvenirs. On peut aussi parler de la rencontre de Larry Johnson en sortie au Madison Square Garden. Tu peux en témoigner. Ah, c'était ouf, c'était vraiment incroyable. On peut parler des fan expériences où on a pu jouer sur un parquet NBA, on peut parler de plein de choses. Les voyages associatifs, c'est plus qu'un simple voyage. C'est passer un super moment à plusieurs adhérents, kiffer la ville de New York. Là, on va en plus découvrir Philly, voir des matchs dans une ambiance de folie. Il y a les vidéos de tout ça. Moi, je peux vous dire, essayer de vous vendre du rêve ou quoi, mais il y a les vidéos sur la chaîne, sur la chaîne YouTube. Donc, on a les preuves de ce qu'on raconte. Les voyages associatifs, c'est pas les premiers qu'on fait. Et à chaque fois, on repart avec un grand plaisir. Et y a un truc sur lequel je voulais insister, c'est les facilités de paiement. On a la possibilité de régler en trois fois aussi. Hein. Oui, c'est parce que forcément, partir voilà, pour aller voir des matchs NBA, y a l'inflation qui frappe tous les voyageurs aussi, malheureusement. Heureusement, il n'y a plus de problématique de vaccin, Covid et tout. Donc ça, ça nous simplifie la vie. Et puis, oui, il y a la possibilité de payer en trois fois sans frais. Donc ça, c'est pour aider justement à rendre ce voyage accessible pour aider le financement du voyage. Mais voilà. En tout cas, c'est de très belles affiches. Une découverte avec Philly sur une journée. Donc tout ça est compris. Il y a l'hébergement, les vols aller-retour, les places de match, la fan expérience dont on ne peut pas trop parler parce qu'il y a des choses qu'on sait mais qui doivent encore demander à être confirmées. Mais croyez-moi qu'on fait le maximum pour que ce soit un voyage inoubliable. Et en tout cas, ouais, de super affiches, ça, qui sont au programme. Sixers et Celtics, on peut difficilement faire mieux dans la conférence Est en termes de confrontation. Il y aurait pu avoir les Bucks, me direz-vous, mais voilà, ça sera Celtics et Sixers. C'est des rivalités, hein, c'est des rivaux de la côte Est. Et c'est la première fois qu'on propose ce format en termes de voyage aussi. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est la côte Est, c'est Philadelphie et New York, c'est deux villes en un voyage. Ça va être une première. On a déjà fait un voyage en road trip à Los Angeles en mars dernier. Philadelphie, ça va être différent, on va être un peu moins jet-lagué parce qu'on va être sur le même créneau que New York, mais clairement c'est la grosse banlieue de New York, hein. On est à 2 heures de route à peine de New York. Voilà, on n'allait pas aller affronter les Nets, hein. Les Nets, c'est pas le derby, non, c'est les vrais rivaux, c'est les Celtics et les Sixers. Je suis désolé. Les vrais rivaux, les vrais voisins, c'est eux. En tout cas, voilà, c'est le KNF East Coast Trip. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site knicksnationfrance.com pour voir les modalités d'inscription. Allez-y, les places seront comptées. Donc, foncez. Comme je le disais, il y a les facilités de paiement aussi. Si vous avez besoin d'avoir des précisions, n'hésitez pas à revenir vers nous sur nos différents réseaux, hein, soit via X. Soit via même YouTube en commentaire, hein, s'il le faut, hein, mais Twitter, Facebook, Instagram, n'hésitez vraiment à nous toper sur nos sites. D'ailleurs, au passage, hein, je remercie toujours, hein, ceux qui nous donnent de la force sur les réseaux sociaux, ça c'est très important. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne YouTube, hein, il y a énormément de contenu. Il y a des rendez-vous hebdomadaires, hein, Joanie, tu peux en parler, hein, toutes les semaines notamment. Ouais. Tous les lundis, 18h30, un épisode où on parle de l'actualité Knicks. Alors j'ai différents accompagnateurs, c'est souvent Shubix, Seb. Willy, tu as eu également l'occasion de passer par moment sur cette émission. Ouais. Alex aussi, donc voilà, on donne des regards de fans sur l'actualité et sur le calendrier de nos Knicks. Un rendez-vous hebdomadaire, tous les lundis, 18h30. C'est gratuit le premier mois, c'est gratuit les 11 mois suivants de l'année, donc profitez-en, YouTube, ça marche plutôt bien, et voilà, on fait ça avec passion et avec plaisir, et on espère que les gens prennent du plaisir à regarder, à nous écouter, débriefer cette actualité. C'est francophone, on parle d'Enix, parce qu'on regarde l'Enix, il y a des gens qui parlent des fois d'Enix, mais qui regardent pas l'Enix, donc bon, voilà, on n'a pas prétention à être les experts numéro 1 et la vérité absolue, mais voilà, on parle du sujet... Numéro 2 au moins. Numéro 2, je sais pas qui sont les numéros 1 alors du coup. Mais voilà, non, on les fait faux ça. Les numéro 1, les faux, on sait tous. En tout cas. Voilà, les rendez-vous sont là et les réseaux sont alimentés. Et voilà, on est très content d'interagir avec vous, avec vos avis divers et variés. On partage pas les avis, mais c'est justement ça qui crée la richesse du débat. Et c'est ça qui recrée l'intérêt de cette communauté. Et puis il y aura d'autres événements qui vont venir en physique. Hein. Il y a d'autres évidemment, événements. Déjà. Quand je parlais, j'évoquais là le début de saison, forcément, qui dit match NBA dit viewing party. Donc oui, on relance la bécane, la viewing party. Alors juste, hein, je l'avais dit déjà la dernière fois lors du live Instagram, quel plaisir on a pris la saison passée. Les dernières étaient mémorables. Bon, c'était les playoffs. Ah ouais, les viewings au Hideout, donc à Gare du Nord, dans une salle privative et dans une ambiance mais vraiment électrique. Donc voilà, ça reprend, on va communiquer assez vite. Logiquement, la première date, ça tombe le dimanche 11 novembre, si ma mémoire est bonne. C'est le 12, mais dans l'esprit, c'est ça. Et bon, allez, on l'annonce déjà, hein. Le flyer va arriver. De toute façon, les dates ne sont pas vraiment confidentielles, puisque c'est les dates pour lesquelles on retrouve les Knicks en prime time français. Et puis, tiens, qui dit prime time français dit Charlotte Hornets. et un certain Frank Ntilikina. Mais oui, l'ancien Knickerbocker, qui se retrouve à être sur l'affiche de notre première viewing party. Semble-t-il, c'est le meilleur défenseur des Hornets. Alors, comme nous, on a le meilleur shooter des Knicks qui est un Français, oulala, ça promet une sacrée affiche, ça, dites donc. Donc, voilà, le 12 novembre, le dimanche, on aura cette première affiche pour ouvrir la saison des viewing party. Je crois que c'est 18h le match, donc c'est très bien. C'est un week-end, c'est un dimanche. Et ça sera surtout l'occasion de vous retrouver après les folies des viewing parties des playoffs, quoi. Ça nous paraît loin, et en même temps, les souvenirs sont encore très frais dans nos têtes sur l'ambiance de feu qu'on a pu avoir au Hideout. Donc, ce n'est qu'un match de saison régulière, mais on vous attend quand même nombreuses et nombreux pour se retrouver et pour faire nos projections sur cette saison, quoi. Et toujours un plaisir de partager ces moments-là avec année après année des nouveaux visages. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis, ça amène évidemment des nouveaux débats, des nouveaux échanges, une communauté qui grossit. Et puis, je souligne vraiment le côté où on organise des choses en physique. Voilà, on provoque vraiment des rencontres autour des événements des Knicks. Et ça, c'est l'essence même de notre association. Qui dit basket aussi, dit potentiellement match. Est-ce qu'on a une piste possible sur des One Ball, sur des Hoos Factory? Je sais qu'on veut solliciter sur la question. C'est au travail, on attend juste une confirmation, mais là-dessus c'est pareil, les réseaux sociaux seront votre source première pour savoir quelle est l'actualité en termes d'événements. Il y aura toutes les informations qui seront présentes sur nos différents réseaux sociaux, donc restez à l'affût, restez à l'écoute. Voilà, que vous soyez un follower sur Instagram, sur Twitter X ou Facebook, de toute façon on relaiera cette information par rapport aux événements associatifs. On n'est pas que des comptes ou des pages, on est une association, donc on fait des événements associatifs en réel, dans la vraie vie, avec des vrais gens. Voilà. Et c'est pas des bots ou quoi que ce soit, c'est pas de l'intelligence artificielle qui anime tout ça, non, il y a de l'humain, et c'est l'ADN, c'est la raison d'être de cette association, et on va continuer cette saison encore à essayer de vous proposer le maximum de ce qu'on peut faire en termes d'événements associatifs. En tout cas, on a fait la boucle de l'actu KNF, de l'actu Nix en tout cas, en l'état. Moi maintenant, il est temps malgré tout de faire le dernier tour de table, un petit dernier mot. Donc, je sais pas qui veut se lancer en premier. Tiens, Pierre-Alex, pour ta première expérience du coup avec nous. Le rookie. Pour toi. Rookie. Je sais pas si je vais te prolonger, mais non, c'était en tout cas, c'était super. T'as un bon podcast, il y a pas mal d'échanges, et donc j'ai bien aimé échanger avec vous. Et on espère tous une belle saison d'Enix. Elle s'annonce plutôt bonne, je pense, quand même, avec la continuité, malgré tout, même si j'étais parfois un peu pessimiste. Mais non, on attend de beaux matchs, avec encore des résultats parfois serrés. Et tant qu'on tape Boston en saison régulière ou Miami, ça me va. Donc, il y a des principes incompressibles, hein, Pierre-Alex. Ouais, ça, c'est taper Boston en saison régulière, c'est mon péché mignon. Et on va passer une bonne saison et c'était cool. Ça marche. Willy, un petit mot pour toi. Ravi de retrouver tout le monde aussi. Pressé pour le Hoops ou autre, personnellement, c'est toujours un moment cool de se retrouver sur ça. Une viewing aussi, ça peut être sympa. Et le voyage, on l'espère. On est en train de réfléchir si ça peut se caler. Croise les doigts. Bah, je suis le plus chaud de nous cinq là sur la preview. Ouais. Donc, je suis pas fort à la saison. On espère que t'as raison. En tout cas, tout est sur bande, tout est enregistré, et franchement, si ça va dans ton sens, on saura te retoper le temps voulu. Avec ta boule de cristal, que je serai le premier à mettre un petit coup de polish dessus, tu vois. Je sais pas, Willy, c'était un marabout, mais on dédicace à Abdoul qui a pas pu être présent sur le podcast. Évidemment. Qui lui fait appel au service d'un marabout qui a plutôt de bons résultats, parce que l'année dernière, il nous avait annoncé une qualification directe en playoff. Donc voilà, j'espère que t'as... Merci. S'il avait été Abdoul, il aurait été grave optimiste, donc j'espère que ça va porter. Est-ce que c'était celui de Paul Pogba? J'allais en parler, vu qu'il est licencié sous peu, à mon avis, il y a moyen peut-être d'aller voir son marabout. Ah bah je pense que Pogba va ne pas se renseigner. En tout cas, Abdoul, on t'embrasse bien évidemment, et que Pogba contacte Abdoul via KNF, et on saura l'orienter. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alex, pour ton retour sur le podcast, un petit mot pour toi. Ah, ce podcast, il est monstrueux. On a eu plein d'échanges. J'ai eu quand même des terrains d'entente assez intéressants. Que dire de plus ? Vous savez que je suis le premier participant à tous les events. Donc voilà. Je ne... Je, je, le voyage et tout, il faut que je voie avec Manu directement. Après, ce qu'il en est, bah, vous gérez la fougère, après c'est au Knicks de gérer. Un seul mot, bah, écoute, fin de la vanne Fournier, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah, j'aurais préféré que tu parles de Robis en dernier mot. Faut couper la vanne. Ouais. Elle est sale, mais elle est honnête. Mais pour lui comme pour nous. Et voilà, on récupère quelque chose et puis on performe. Et tout le monde est content. Voilà. Mais en tout cas, toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et bon, je vois bien que tout le monde est à peu près plus ou moins raccord, donc c'est sympa. Moi, je veux une Knicks Nation, comment dire ? Soudée. Oui, mais aussi... Barbu. Ouais, non, mais barbu, mais ça, tu peux pas demander ça à tout le monde. C'est que les extrémistes qui sont barbus. Oula. Non, mais ouais. Non, je m'arrête là-dessus. Mais en tout cas, une Knicks Nation consciente de ce qui se passe à New York. Voilà. En tout cas, Alex, c'est toujours un plaisir pour toi sur des événements. T'es quand même un des tauliers niveau adhérent des Knicks since day one, comme on dit. On est là. J'ai toujours compté sur toi et tu es reconnaissable à tous nos événements pour ceux qui nous rejoindront potentiellement. Joe, ton petit mot. Je vais essayer de faire court. C'est pas mon fort, mais non, super hypé par cette saison. J'ai envie d'une belle saison, de vivre une belle saison associative aussi, et puis bah qu'on revibre jusqu'en playoff pour qu'on ait des super viewing parties comme on a pu l'avoir la saison dernière. Donc on verra jusqu'où cette équipe nous mène. Il y a de la confiance, qu'ils ne nous déçoivent pas, et puis nous on va essayer de faire le taf et on va faire le taf comme il faut pour que l'association propose de beaux événements cette saison. Donc voilà, très très content et très heureux que ça redémarre et très content de ce podcast. Donc voilà. Exactement. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est l'excitation. J'ai clairement hâte de revoir vraiment les Knicks démarrer leur campagne. Hâte aussi de reprendre les événements. Là, ça y est, là, tout se concrétise. On sent qu'il y a quand même cette énergie de l'année dernière et j'aimerais vraiment revivre cette année les mêmes émotions qu'on a vécues la saison passée. Donc, archi hâte. Abdoul Labis, qui n'a pas pu évidemment venir sur ce podcast, mais que pouvoir trouver sur nos événements et qui charbonne dur avec l'équipe hein, pour tous les événements qui à venir. Et en tout cas, moi, je vous remercie pour la force au quotidien. Je vous remercie pour la force sur le réseau. Donnez-nous de la force, donnez-nous de la visibilité. La visibilité aussi, c'est important. Joanie, tu l'as rappelé, hein, on le fait vraiment par passion, par engagement, par amour et puis par surtout l'envie de concrétiser tous ces événements et toutes ces rencontres. Voilà, en tout cas, un grand merci à tous pour ce podcast de fort belle qualité. Je vous donne rendez-vous, bien évidemment, à très vite pour un nouvel épisode. Messieurs, merci pour tout. Et comme on dit, hein, Nix un jour, Nix toujours, et on est toujours ensemble. Salut l'équipe, et à très vite. Ciao, bye. Ciao. Bye-bye. Ciao. I always will be a Nick, always will be a New Yorker. Thank you very much. Hope you're ready for the next episode. Hey.